The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. News headlines. Le titre de l'actualité. Wave of attacks. La vague d'attentats. Anti-secular. Anti-laïque. In the grip of. En proie à. Epidemic. L'épidémie. Terrorist. Le terroriste. To hold hostage. Retenir en otage. Correspondent. Le correspondant. As we speak. En ce moment même. Live. En direct. National. Le ressortissant. Indescribable. Indescriptible. Plan, system. Le dispositif. Attacker. L'assaillant. Man behind. Le commanditaire. To claim responsibility for. Revendiquer. Now, a bit faster. National. Le ressortissant. News headlines. Le titre de l'actualité. National. Le ressortissant. Epidemic. L'épidémie. Plan, system. Le dispositif. Man behind. Le commanditaire. Terrorist. Le terroriste. Correspondent. Le correspondant. News headlines. Le titre de l'actualité. Indescribable. Indescriptible. To hold hostage. Retenir en otage. Epidemic. L'épidémie. As we speak. En ce moment même. National. Le ressortissant. Anti-secular. Anti-laïque. Indescribable. Indescriptible. Correspondent. Le correspondant. Live. En direct. Wave of attacks. La vague d'attentats. In the grip of. En proie à. To claim responsibility for. Revendiquer. Terrorist. Le terroriste. Anti-secular. Anti-laïque. Man behind. Le commanditaire. Anti-secular. Anti-laïque. To claim responsibility for. Revendiquer. Anti-secular. Anti-laïque. Plan, system. Le dispositif. Terrorist. Le terroriste. Plan, system. Le dispositif. As we speak. En ce moment même. Now, use the words in context. Le ressortissant. This Canadian national has been living and studying in France for 3 years. Ce ressortissant canadien vit et étudie en France depuis 3 ans. Le dispositif. A security system has been set up by the security forces in order to avoid any violent outburst during the demonstration. Un dispositif de sécurité a été mis en place par les forces de l'ordre pour éviter tout débordement lors de cette manifestation. Le commanditaire. The police never managed to catch those who were behind the bomb attacks. La police ne réussit jamais à mettre la main sur les commanditaires de ces attentats à la bombe. Le ressortissant. This Canadian national has been living and studying in France for 3 years. Ce ressortissant canadien vit et étudie en France depuis 3 ans. Le dispositif.